Today, I would like to talk about four postures: sitting, walking, standing, and lying down. Aujourd'hui, je vais vous parler des quatre postures: la posture assise, la posture en marche, la posture debout et la posture allongée. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha nous parle des postures. Lorsque le pratiquant Vipassana marche, il sait qu'il marche. Lorsqu'il se tient debout, il doit savoir qu'il se tient debout. Lorsqu'il est assis, il doit savoir qu'il est assis. Lorsqu'il est allongé, il doit savoir qu'il est allongé. Telles sont donc les instructions du Bouddha. Elles sont faciles à comprendre. Toutes les postures sont importantes. Lorsque vous êtes allongé sur votre lit, vous devrez également être attentif. Il ne faut pas rester allongé sur son lit sans attention. Il faudra donc emmener son attention avec soi pendant toute la journée, depuis tôt le matin au lever, jusque tard le soir lorsqu'on ira se coucher. Et nous devrons faire cela si nous voulons réussir à comprendre l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire à comprendre la véritable nature du corps et de l'esprit. C'est pour cette raison que vous, méditant, vous alternez l'assise et la marche. Vous suivez ainsi les instructions du Bouddha. De la même façon qu'en posture assise, vous êtes attentif de façon assidue, lorsque vous pratiquerez la marche, vous devrez également le faire de façon très diligente. Il ne faudra pas regarder de tous côtés. Il ne faut pas non plus croire que la méditation en marche a uniquement pour but de relaxer le corps. Après une heure de méditation en posture assise, où vous vous serez efforcé de ne pas bouger, vous vous sentirez probablement fatigué, tendu. C'est pour cette raison que les méditants pourrait parfois penser que la méditation en marche a simplement pour but de relaxer le corps. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. La méditation en marche doit également se faire avec beaucoup d'attention. Le Bouddha nous dit, lorsque le bhikkhu marche ou le méditant marche, il sait qu'il marche. Ce sont donc ses instructions. Il faudra donc que les yogis s'efforce de pratiquer ainsi, de façon diligente et respectueuse. En général, on demande de faire trois notes à chaque pas. Mais il y a les deux premières méthodes qui consistent à faire une note à chaque pas ou deux notes à chaque pas. Lorsqu'on fait une note à chaque pas, on observe le pas gauche et ensuite le pas droit. Lorsqu'on fait deux notes à chaque pas, on note le fait de lever le pied et le fait de l'abaisser. Lorsqu'on fait trois notes, lever, avancer, abaisser. Il faut commencer par la première méthode qui consiste à faire une note à chaque pas. On note alors le pas gauche et ensuite le pas droit. Il est assez facile de suivre le mouvement lorsqu'on fait une note à chaque pas. Mais si le yogi travaille de façon très assidue, il pourra constater par lui-même que ce n'est pas si facile que cela de suivre le mouvement des pieds sans arrêt et sans se laisser distraire par les pensées. Il faudra donc qu'il travaille de façon très attentive lorsqu'il pratique cette première méthode. Lorsqu'on pratique la marche, il faut contrôler les mains. Les mains doivent être maintenues soit devant l'abdomen, soit dans le dos. Parfois, on peut éventuellement les croiser sur la poitrine. Et il faudra alors pratiquer de façon très assidue. Il faudra maintenir le regard dirigé vers le bas. Il ne faut pas fermer totalement les yeux. Si nous maintenons le regard dirigé vers le bas, nous ne pourrons pas voir très loin, à 5 ou 6 mètres peut-être. Et ensuite, nous devons focaliser notre attention sur les pieds. Les pieds sont l'objet primaire d'attention, de même qu'en posture assise, c'est l'abdomen qui est l'objet primaire d'attention. Il ne faut pas trop pencher la tête vers l'avant lorsqu'on pratique la marche. Il ne faut pas non plus que le corps penche vers l'avant. Si la tête ou le corps penche vers l'avant, vous allez vous sentir fatigué, vous aurez des douleurs dans la nuque ou dans le dos. Vous allez donc pratiquer ainsi en notant très attentivement le pas gauche et ensuite le pas droit. Il faut que la prise de conscience soit synchronisée avec le mouvement. Il faut observer le mouvement dans l'instant présent. Vous allez parcourir ainsi votre piste de marche et lorsque vous serez arrivé à la fin de la piste, vous allez vous arrêter. Vous notez alors la station debout. Vous répétez mentalement « debout, debout » très attentivement. Vous ne tournez pas tout de suite. Vous observez la posture debout, vous êtes conscient que vous êtes debout. Vous allez ensuite tourner très lentement et avec beaucoup d'attention. Vous vous retrouvez devant votre piste de marche et vous notez la station debout. Vous notez debout, debout, attentivement. Vous ne marchez pas tout de suite. Vous faites cela avec beaucoup d'attention. C'est de cette façon qu'il faut pratiquer la marche. Lorsque vous pratiquez la marche avec beaucoup d'attention, il est possible que vous remarquiez l'esprit. Vous verrez qu'il y a souvent des pensées dans votre esprit. Il est possible également que vous remarquiez d'autres objets dans le corps. Si les pensées sont très envahissantes, parfois elles arrivent après quelques pas seulement. Si donc les pensées sont très envahissantes, arrêtez-vous et notez « pensée, pensée ». Mais si les pensées sont fugaces, il ne faut pas s'arrêter. Vous devez au contraire intensifier votre observation des pieds. Vous observez de façon très pénétrante le pas gauche et le pas droit. Vous notez avec beaucoup d'assiduité et de précision. De cette façon, après quelque temps, vous verrez qu'il y a moins de pensées. S'il y a une démangeaison quelque part sur votre corps, vous aurez peut-être l'envie de vous gratter. Si c'est le cas, vous devez vous arrêter. Vous devez pratiquer la marche de façon respectueuse et vous arrêter si vous désirez vous gratter. Vous notez alors le mouvement de la main. Lorsque la main arrive à l'endroit où se trouve la démangeaison et que vous commencez à vous gratter, vous devez le faire de façon très attentive. Lorsque la démangeaison a disparu, vous allez vouloir ramener la main et vous devez noter « ramener, ramener ». Vous devez observer ainsi de façon très complète tous les mouvements. Et ensuite seulement, vous recommencez à marcher. On pourrait croire que la méditation en marche est plus facile que la méditation en posture assise, tout simplement parce que lorsqu'on marche, il n'y a pas de douleur. Si la tension du yogi n'est pas forte, il n'aimera pas les sensations douloureuses. Et lorsqu'il pratique la marche, il n'a plus de sensations douloureuses et pense donc que c'est plus facile. Mais en fait, si on pratique la marche attentive de façon respectueuse, on pourra constater que ce n'est pas si facile que cela. On demande au yogi de contrôler les portes sensorielles et particulièrement les yeux. Ils doivent toujours garder le regard dirigé vers le bas. Si donc il pratique la marche en gardant les yeux dirigés vers le bas et en essayant d'être attentif sans interruption, il verra que ce n'est pas si facile. Vous pratiquez donc la marche attentive de façon très diligente. Vous réussissez à suivre les mouvements du pied et vous observez avec précision le pas gauche et ensuite le pas droit. Vous n'avez pas trop de pensées dans l'esprit. La confiance va alors se développer en vous. Vous vous direz que vous y êtes arrivé. Vous réussissez maintenant à observer le pas gauche et ensuite le pas droit sans trop penser et vous vous sentez satisfait de votre pratique. Vous allez alors tout naturellement vouloir passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas. Si vous en êtes arrivé à la deuxième méthode et que vous faites chaque fois deux notes à chaque pas et que vous notez lever et ensuite abaisser, cela veut dire que votre attention est déjà bien développée. Si cette attention n'était pas bien développée, si vous ne disposiez pas de cette force de l'attention, vous ne réussiriez pas à suivre ces deux mouvements attentivement. Vous ne pourriez pas suivre le mouvement d'élévation du pied et vous ne pourriez pas suivre le mouvement d'abaissement du pied. Si vous réussissez à observer ces deux mouvements sans interruption, c'est que votre attention est devenue très forte. Vous disposez également d'un certain niveau de patience. Si vous n'aviez pas ces deux choses, la force de l'attention et la patience, vous vous diriez sans doute que c'est inutile d'observer ainsi les pieds et les mouvements. Vous auriez alors tout perdu. Vous auriez perdu l'attention, la concentration et la compréhension. C'est de cette façon que le méditant va progressivement développer son attention. Il doit y aller pas à pas. Il ne faut pas qu'il passe tout de suite à la troisième méthode. Il doit générer son attention. Lorsque vous en serez arrivé à cette troisième méthode et que vous ferez donc trois notes à chaque pas, vous noterez « lever, avancer, abaisser ». Si vous avez réussi à faire deux notes, votre attention est sans doute déjà très forte. Et vous ne devrez plus faire tellement d'efforts au moment où vous leverez le pied et au moment où vous l'abaisserez. Vous devrez faire un effort lorsque vous l'avancerez. Parfois, les yogis qui ont une très forte attention voient l'intention avant de lever le pied. Mais en général, on leur demande de s'entraîner à noter l'intention. Avant de lever le pied, il y a une intention. Le yogi doit s'entraîner à noter cette intention. Il répète mentalement « désir de lever le pied »,« désir de lever » ou « intention de lever ». Il répète cela deux ou trois fois. Et ensuite seulement, il observe le mouvement d'élévation. C'est de cette façon qu'il va développer son attention. Si vous êtes en mesure de suivre attentivement les instructions et que vous pratiquez la marche de façon diligente, vous réussirez à expérimenter, à comprendre les quatre éléments au moment où vous marchez. Vous expérimenterez Patavidhatu, Tejodhatu, Vayodhatu et Apodhatu. De même qu'en posture assise, vous avez compris, vous avez réalisé qu'il n'y avait aucun ego dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous comprendrez au moment de la marche qu'il n'y a personne non plus qui marche. Il n'y a pas d'ego dans ces mouvements. Il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Mais pour réaliser tout cela, pour comprendre cela, il faut obligatoirement que cela se fasse avec l'attention. Vous me direz, mais je n'ai pas encore vu cela. Pour moi, c'est moi qui marche. Nous sommes des putujana, des êtres ordinaires, et les putujana ont encore beaucoup de kilesa, d'impureté. Ces kilesa sont très épaisses, très collantes et très fortes. Il n'est pas possible de s'en débarrasser. C'est pour cette raison que nous devons pratiquer la méditation vipassana de façon très diligente, sans nous reposer. Plus nous serons attentifs, plus notre compréhension va se renforcer et devenir claire. Vous avez souvent entendu parler de Atapi, Sampajana et Satima. Atapi, c'est l'effort soutenu. Si nous fournissons un effort soutenu pour être attentifs sans interruption et que cette attention se renforce, nous allons automatiquement expérimenter Sampajana. Sampajana, c'est la claire compréhension. La claire compréhension, c'est comprendre à fond, il n'y a plus aucune confusion. Par exemple, si vous notez attentivement le pas droit et que l'esprit est capable de suivre le mouvement du début à la fin, de se maintenir sur le mouvement pendant toute la durée du processus, vous vous sentirez en confiance, satisfait de votre pratique. Cette confiance, cette satisfaction est de première main. Elle ne vous vient pas de quelqu'un d'autre. C'est vous-même qui avez expérimenté ces choses, vous avez vu, vérifié par vous-même. Pendant la marche, votre pied va bouger. Si vous êtes très attentif, vous pourrez expérimenter le mouvement. Lorsque vous arrivez à la fin de la piste, vous vous arrêtez. Vous vous tenez debout, et vous devez noter attentivement « debout, debout ». Mais qu'expérimentez-vous à ce moment-là? Vous devez essayer d'observer attentivement la posture debout. L'observation ne doit pas être superficielle. Si vous notez superficiellement « debout, debout », vous n'expérimenterez rien. Il faut donc observer attentivement la posture debout. Lorsque vous notez la posture debout avec beaucoup d'attention, il est possible que vous soyez conscient de toutes sortes de choses qui se passent dans le corps. Lorsque l'attention est forte, vous êtes capable de voir toutes les sensations dans le corps tout entier. Vous voyez par exemple qu'il y a une sensation de pression à la plante des pieds. Vous avez l'impression de ressentir de la lourdeur, de la chaleur, du froid dans certaines zones du corps. Tout cela est possible parce que vous observez attentivement la posture debout. En posture assise, il n'y a pas de problème, nous en avons souvent parlé. Vous savez comment pratiquer. Pour la posture allongée, lorsque vous êtes couché, notez-vous, êtes-vous capable de noter allongé, allongé ou couché, couché, et au moment où vous notez ainsi couché, couché, le faites-vous superficiellement ou le faites-vous avec beaucoup d'attention? Qu'expérimentez-vous? Vous allez peut-être sentir le corps qui est en contact avec le matelas ou avec le sol. Si vous ne bougez pas au moment où vous êtes allongé, vous allez peut-être ressentir de la chaleur, de la brûlure quelque part dans le corps. Il est possible d'expérimenter tout cela et c'est également la compréhension. Il faut donc noter la posture allongée de façon très pénétrante. Le Bouddha a donc enseigné les postures. Il nous dit, lorsqu'il marche, le yogi sait qu'il marche. Lorsqu'il est debout, le yogi sait qu'il est debout. Lorsqu'il est assis, le yogi sait qu'il est assis. Lorsqu'il est allongé, le yogi sait qu'il est allongé. Telles sont donc les instructions du Bouddha. Elles sont très faciles à comprendre, mais la pratique est très difficile. De même que le yogi s'efforce de pratiquer la posture assise avec diligence, il doit pratiquer les trois autres postures avec diligence également. Il s'entraîne à pratiquer en posture assise et lorsqu'il sera devenu capable de pratiquer correctement en posture assise, il deviendra facile de pratiquer correctement les trois autres postures également. Si vous expérimentez de façon authentique l'esprit et la matière, les causes et les effets à l'intérieur de vous, la confiance va se manifester en vous, la confiance dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Le Bouddha nous dit, celui qui voit le Dhamma me voit, celui qui ne voit pas le Dhamma ne me voit pas. La personne qui réussit donc à expérimenter à fond voit le Bouddha. That is enough for today. I will continue tomorrow. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.